Nous allons maintenant nous intéresser à la conscience comme rapport à autrui. Dans notre analyse du sujet humain, nous avons pour l'instant vu qu'il était à la fois conscient de lui-même et conscient des objets de son environnement, des choses qui lui apparaissent. Parmi les objets qui se présentent donc à la conscience dans son champ d'expérience, le sujet est confronté à des êtres qui ont la particularité de ne pas être des choses inertes, des choses directement disponibles à son emprise. Ce sont les autres êtres vivants et plus particulièrement les autres êtres humains. Le sujet humain n'est jamais seul dans le monde, jamais complètement isolé. Il vit toujours avec d'autres sujets qui sont donc d'autres êtres également conscients, avec leurs propres états internes, leur propre personnalité. Et autrui, c'est donc un autre sujet qui n'est pas moi, hein, qui a sa propre conscience. Le problème général qui se pose dans le rapport entre les sujets, au fond, c'est le problème de la séparation entre les consciences. En effet, la conscience, c'est un phénomène purement privé, purement subjectif. Je n'ai donc jamais accès qu'à mes propres états internes, qu'à ma propre conscience. Je n'ai jamais accès à la conscience d'autrui. Je ne peux pas rentrer dans l'esprit d'autrui. Enfin, bon, jusqu'à preuve du contraire, la télépathie, ça n'existe pas. On est chacun dans notre conscience, on a accès à notre conscience, on n'a pas accès aux états de conscience des autres. Donc personne ne peut vivre les états de conscience de quelqu'un à sa place. En fait, on ne peut jamais être tout à fait certain de l'effet que cela fait subjectivement à l'autre de vivre les expériences qu'il vit. Alors bien sûr, autrui m'apparaît dans son extériorité, donc je vois son corps, je vois ses gestes, j'entends ses paroles, et à travers son apparence extérieure, étant donné qu'il me ressemble, enfin, en tout cas on est des êtres humains, on a un organisme comparable, ben, je peux postuler que autrui a une expérience à peu près comparable à la mienne, à peu près semblable, mais en fait, j'en suis jamais totalement certain. Prenons le phénomène de la douleur. Voilà. Bon, un même dommage chez deux personnes provoquera peut-être une douleur un peu différente. On voit que les gens ne réagissent pas exactement de la même façon à un même coup, à un même dommage. On ne vit peut-être pas exactement la même douleur, on ne l'expérimente peut-être pas exactement de la même façon. Elle sera plus ou moins intense d'une personne à l'autre. Et donc, il y a toujours cette limite, ce fait que je ne peux pas savoir si ce que vit autrui, son expérience subjective, est exactement identique à la mienne. On pourrait même aller encore plus loin et se dire que, à la limite, puisque je ne vois qu'autrui qu'à travers son apparence extérieure et que je n'ai pas accès à sa conscience, en fait, au fond, je n'ai aucune garantie définitive qu'autrui est vraiment conscient. Je ne peux pas savoir s'il est vraiment conscient. Je ne peux que le postuler. Puisque je ne vois pas sa conscience, je ne vois que son corps. Autrui, alors c'est vraiment une hypothèse radicale, mais on pourrait imaginer qu'autrui ne serait qu'un automate bien agencé, un zombie, hein, voilà, un zombie agissant comme s'il était conscient, mais sans l'être vraiment. Qu'est-ce qui me prouve, au fond, que je ne suis pas la seule personne consciente et que les autres ne sont pas tous des robots ou des pantins, voilà, bon, alors évidemment, là, on est un petit peu au bout d'un raisonnement qui est peut-être très radical, on sombre un peu dans la paranoïa, mais ce n'est pas non plus totalement absurde dans la mesure où la conscience d'autrui n'est jamais qu'une hypothèse de mon point de vue. Je n'y ai pas accès subjectivement. Ça, c'est un point que a souligné notamment Henri Bergson dans un passage de La conscience et la vie que je vous cite. Pour savoir de science certaine qu'un être est conscient, il faudrait pénétrer en lui, coïncider avec lui, être lui. Je vous défie de prouver, par expérience ou par raisonnement, que moi, qui vous parle en ce moment, je sois un être conscient. Je pourrais être un automate ingénieusement construit par la nature, allant, venant, discourant. Les paroles mêmes par lesquelles je me déclare conscient pourraient être prononcées inconsciemment. Toutefois, si la chose n'est pas impossible, vous m'avouerez qu'elle n'est guère probable. Entre vous et moi, il y a une ressemblance extérieure évidente, et de cette ressemblance extérieure, vous concluez par analogie à une similitude interne. Le raisonnement par analogie ne donne jamais, je le veux bien, qu'une probabilité, mais il y a une foule de cas où cette probabilité est assez haute pour équivaloir pratiquement à la certitude. Donc vous voyez, là, ce que nous dit Bergson, c'est que le fait que les autres sont conscients, c'est une hypothèse que nous faisons, une hypothèse qui est très probable, qu'on peut considérer même comme certaine, mais en fait, ce n'est pas une certitude absolue. Hein, souvenons-nous de la démarche de Descartes dans les méditations métaphysiques. Descartes cherchait à trouver une certitude absolue sur laquelle fonder son savoir. C'est pour ça qu'il menait cette expérience du doute. Dans son expérience du doute, il remettait en question l'existence des choses, notamment des choses matérielles. Il remettait en cause l'existence de son propre corps. Il disait « la seule chose dont on ne peut pas douter, c'est de notre propre esprit. Hein, je pense, donc je suis. Si je suis en train de douter, c'est bien que je pense. Si je pense, c'est bien que j'existe. J'existe en tant que chose pensante. Voilà, ça, j'en suis certain. Je sais que ma conscience existe. Je ne peux pas en douter. Mais il n'en va pas de même de la conscience des autres. Hein, je peux douter de la conscience des autres, puisque je n'y ai pas accès, ce n'est qu'une hypothèse. En fait, la seule certitude que nous avons, la seule chose dont on peut être certain, c'est de notre propre, de l'existence de notre propre conscience. Mais la conscience des autres, elle est toujours postulée, bon, comme nous le dit Bergson, c'est un postulat qui est très probable, hein, mais qui n'est jamais absolument certain. Alors voilà, ça c'est un problème qui se pose dans notre rapport aux autres, c'est que nous ne pouvons pas accéder à leur conscience, et voilà, si on mène un raisonnement un peu à la Descartes, un peu un raisonnement un petit peu paranoïaque, on pourrait imaginer que les autres sont des automates bien conçus.